Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'élection de 4 députés du Parti Égalité en 1989. C'est jamais arrivé que j'étais si fier dans ma vie d'être un Canadien et un Québécois comme ce soir. Le chef du Parti Égalité, Robert Lehmann, le soir de l'élection du 25 septembre 1989, ce soir-là, Robert Lehmann reprend à peu près mot à mot la formule qu'avait utilisée René Lévesque le soir de la première élection du Parti québécois, le 15 novembre 1976. En choisissant ces mots, Robert Lehmann, le chef d'un parti anglo-québécois, se livre-t-il à un exercice de provocation à l'endroit de la majorité francophone ou ressent-il tout simplement le même genre de fierté qu'avait éprouvé René Lévesque en 1976? Une chose est certaine, dans les deux cas, on fait face à une sorte d'exploit politique que personne ne pouvait prévoir à l'avance. Monsieur Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous avez déclaré hier, ce sont vos tout premiers mots de votre discours d'ailleurs, vous avez dit « je ne me suis jamais senti aussi fier d'être Canadien et Québécois ». C'est à peu près les mêmes mots qu'avait dit René Lévesque le 15 novembre 1976. Pourquoi avez-vous senti le besoin de reprendre les mots de René Lévesque? Parce que c'était la vérité. J'ai senti tellement fier hier soir d'être Canadien et Québécois. Je me souviens en 1976, quand elle a dit ces mots, ça m'a touché ces mots avec un peu d'inspiration. Alors, ces mots arrivaient, s'en sortaient. De moi aussi, hier soir. Et pourtant, il y a bien des gens qui se demandent si l'élection de 4 candidats du Parti Égalité hier ne consacre pas le divorce entre les francophones du Québec et les anglophones du Québec. Cette espèce d'impossible réconciliation entre la promotion du français d'une part et la place que vous voulez donner à la langue anglaise. Mais moi, je crois que c'est le Parti libéral qui a créé les divorces entre les deux communautés. Nous sommes fiers de le fait que Québec est une province unique à Canada et nous voulons maintenir ça. Mais en respectant des droits des minorités. À nouveau, Robert Lehmann, en entrevue avec Simon Durivage, cette fois à l'émission Le Point, le 26 septembre 1989, pour nous parler de cette élection surprise de 4 députés du Parti Égalité le soir du 25 septembre 1989. Je reçois Jean-Charles Paneton, qui est historien politologue, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire politique du Québec au 20e siècle. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Quelle importance ça a, cet épisode de l'élection de 4 députés du Parti Égalité en 89? Ce sera une seule et unique élection de députés de ce parti lors d'une élection générale au Québec. Quelle importance ça a, cet épisode-là, dans l'histoire politique du Québec? Mais ça démontre que la communauté anglo-québécoise était très en colère à la suite d'une décision qui était prise par le gouvernement Bourassa en 88 sur l'affichage là, donc commercial unilingue français pratiquement. Et ça n'a pas passé. Et donc, cette montée de pression-là, si on peut dire, dans la communauté, bien, va se traduire par l'élection de 4 députés. C'est un signal assez fort envoyé par la communauté, en fait une certaine communauté anglo-québécoise, il faut le dire, parce que l'establishment anglophone, lui, va rester avec le Parti libéral du Québec. Oui. Donc, c'est un coup de tonnerre, puisque 4 députés, ce n'est pas rien, et le vote est très, très fort en faveur du Parti Égalité dans ces 4 circonscriptions-là. Mais sur la longue durée, quand on est historien, par exemple, qu'on s'intéresse à l'histoire politique du Québec, c'est sûr qu'au moment de l'élection, tout le monde est surpris de cet exploit-là. C'est un exploit. Qu'ils réussissent, un parti qui n'existait pas, à faire élire 4 députés. Bien sûr, il y a un contexte très particulier. On l'a déjà un peu abordé, puis on va y revenir plus en détail. Mais sur la durée, pour un historien, est-ce que c'est qu'anecdotique? Est-ce que ce n'est qu'un accident de parcours? Ou si cet épisode-là, pour vous, a une importance réelle dans l'histoire politique du Québec au 20e siècle? Bien, c'est-à-dire que oui, ça a une importance parce que ça traduit tout le changement des politiques linguistiques, d'abord initiées par le gouvernement, d'abord initiées par Jean-Jacques Bertrand à une époque, ensuite poursuivi par le gouvernement, les deux premiers gouvernements de Robert Bourassa, ensuite l'élection de René Lévesque et la loi 101. Donc, cette colère-là, c'est l'accumulation, en fait, des anglo-québécois face aux politiques linguistiques québécoises qui ne les satisfont pas. Et l'impact, on peut le mentionner, est assez clair au niveau du Parti libéral du Québec. Je pense qu'ils vont l'avoir compris parce que par la suite, on n'abordera pratiquement plus la question linguistique au Parti libéral du Québec. On va faire très, très attention. Je pense donc que ce message-là, à l'origine de cette élection-là, a bien passé du côté du Parti libéral du Québec. Donc, ça a une incidence, ça a une portée, une durée dans le temps, effectivement. Et puis, ça a quelque chose d'unique dans cette histoire de l'insatisfaction satisfaction des Anglo-Québécois par rapport à une affirmation grandissante depuis les années 60 et jusqu'à la loi 101. Cette affirmation linguistique de la majorité francophone va trouver à cette élection-là, pour la première et l'unique fois, absolument, un véhicule politique là, mais qui ne tient que là-dessus, finalement. Spontané, carrément spontané. On parle d'un groupe d'une centaine de personnes au départ qui, après l'adoption de cette fameuse question avec par le gouvernement Bourassa, linguistique-là, vont créer le parti littéralement de façon bénévole et de manière improvisée. Robert Limmann est loin d'être un homme politique de carrière, pas du tout. C'est un architecte de 28 ans et il décide de se lancer dans l'aventure politique un peu. Donc, c'est une coalition un peu de tous horizons, si on peut dire, comme on l'a dit. Comme on l'a mentionné, l'establishment n'est pas là, mais la population anglo-québécoise, elle, est au rendez-vous. Ouais. Et dans l'histoire longue, encore une fois, c'est l'unique fois où la communauté anglophone du Québec, politiquement, va se séparer, se cristalliser. Divorcer autour du PLQ. Tout à fait. Oui, oui, absolument. C'est un divorce qui est complet. Et comme je le dis, ça fait quand même mal. Le message est très dur et ça fait quand même mal au Parti libéral du Québec qui va en prendre bonne note parce qu'on le sait par la suite, on ne parlera plus de la question linguistique. On va même, dans certains cas, parler de bilinguisme. On va s'aligner un peu plus vers la politique linguistique canadienne que vers la politique linguistique québécoise comme telle. Donc, oui, il y a une portée assez claire. Bon, le contexte, on y revient. Ce contexte qui va mener, contexte très précis, très particulier, qui va mener à la création du Parti Égalité. On en parle dans un instant. Jean-Charles Pantôme, on écoute d'abord un extrait du téléjournal du 28 mars 1989. And in 1989, Mr. Bourassa will fail to get elected in the suburban riding of Saint-Laurent. It's three strikes and you're out! Pour ces anglophones, c'est clair. Il faut défaire Robert Bourassa aux prochaines élections. Réunis au cœur même de son comté, près de 400 personnes reprochent au premier ministre de les avoir trahis en utilisant la clause dérogatoire pour se soustraire au jugement de la Cour suprême sur la langue d'affichage. C'est pour canaliser la frustration des anglophones du Québec que ces personnes ont formé un nouveau parti politique. Pour l'instant, jusqu'aux prochaines élections, nous commençons dans les circonscriptions ou les divisions électorales avec la majorité des anglophones pour avoir le support initial. Favorable au bilinguisme intégral, ces politiciens favorisent même le retour au libre choix en matière d'enseignement. On a reçu dans les deux semaines passées, par exemple, beaucoup de support des francophones qui veulent avoir le capacité d'éduquer leur famille dans une deuxième langue. Ce parti, qui en est à sa deuxième réunion publique en autant de semaines, est en train de prendre forme dans des comtés où les anglophones et les allophones ont un poids réel. Alain Picard, à Montréal. Alors, le contexte, Jean-Charles Panton, revenons-y. Qu'est-ce qui, précisément, provoque la création du Parti Égalité au printemps 89? Bien, c'est essentiellement la décision du gouvernement Bourassa d'utiliser la clause, la disposition dérogatoire de la Constitution canadienne qui lui permet donc d'adopter la loi 178. Alors essentiellement, cette loi-là, c'est de permettre l'affichage commercial en français au Québec. Et donc, c'est ce qui met le feu aux poudres, c'est ce qui enrage la communauté de perdre cet affichage-là, cette visibilité-là qu'on a dans les rues de Montréal, entre autres, dans certains quartiers de Montréal. Prédominance du français, c'est prédominance, ça? Oui, tout à fait. Prédominance du français et on peut écrire en plus petit, donc tout ça cause toutes sortes de problèmes, mais dans les faits, c'est le français qui doit prédominer. Mais l'utilisation donc de cette disposition dérogatoire-là ne passe carrément pas auprès de la communauté anglophone. On peut peut-être le dire, c'est pas la première fois que le gouvernement Bourassa comme un impair en matière linguistique. C'est arrivé juste avant, donc c'est arrivé en 74-75 lorsqu'ils ont adopté la loi 22 qui exigeait en matière d'enseignement des tests, obligeait les enfants à passer des tests pour déterminer s'ils allaient à l'école en français ou en anglais. Ça aussi, ça a créé une insatisfaction énorme. Et cette insatisfaction-là a fait en sorte que les Anglo-Québécois ont en ce moment-là, l'élection de 1976, voté pour l'Union nationale qui existait encore à ce moment-là. Et c'est ce qui a permis au Parti québécois de se faufiler et de prendre le pouvoir, donc avec 41% des intentions de vote. Et ça montre la difficulté qu'a, ben c'est Bourassa les deux fois, mais qu'avaient les libéraux et qu'avait Robert Bourassa à trouver l'espèce de juste équilibre entre ce que veut la majorité francophone et ce que veut cette clientèle traditionnelle abonnée au PLQ, les Anglo-Québécois. Mais si on reprend, on parle de la loi 22, c'est le parfait exemple de quelque chose qui ne marche pas ni pour l'une communauté ni pour l'autre. Donc, elle rend insatisfait les Québécois francophones qui, eux, veulent une loi plus robuste qui permette d'intégrer les immigrants donc à la communauté francophone. Et puis, on voit de l'autre côté, la communauté anglophone n'est pas d'accord non plus parce qu'on joue dans leurs acquis, dans leurs privilèges. Et ils n'acceptent pas ça. C'est une question qui est fondamentale pour eux. Donc, dans les deux cas, Robert Bourassa n'arrive pas à satisfaire aucune des deux communautés. Et c'est ce qui explique en bonne partie sa défaite de 1976. Donc, une loi, la loi 178, qui dit, et qui fait suite elle-même, vous me corrigerez, mais un jugement de la Cour suprême. Absolument. On rajuste la loi 101 au départ, où c'était l'affichage en français uniquement. Là, Bourassa, donc, se dit, tiens, j'ai un compromis intéressant, ça va satisfaire tout le monde. Prédominance du français, mais il peut y avoir un petit peu d'anglais ou d'une autre langue sur l'affiche, mais prédominance du français. Déjà, sur le principe, les anglophones sont pas d'accord. Ouais. Et puis, en plus, on utilise cette disposition de dérogation, donc on dit non. On ne tient pas compte du jugement de la Cour suprême pour que la loi continue de s'appliquer. Là, c'est vraiment la furie. Exactement. Donc, c'est un compromis, une nouvelle fois, un nouveau compromis de Robert Bourassa, qui est l'homme des compromis d'ailleurs, qui ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, Robert Liebman, c'est lui qui va devenir le chef de ce parti Égalité. Vous le disiez, c'est un architecte de 28 ans, jeune architecte de 28 ans qui n'a jamais fait de carrière politique. Non, pas du tout. Et il est, comme plusieurs des siens, aspiré, si on peut dire, sur la scène politique par cette décision-là qu'il trouve carrément inacceptable. Cette colère-là aussi, parce qu'on est en colère dans la communauté anglo-québécoise. Et donc, c'est sur cette colère, ces sentiments-là, un peu qu'on va créer avec, au départ, une centaine de personnes, le Parti Égalité, Equality Party. Il y a aussi un nom en anglais, ce parti. En fait, il est bilingue. Et donc, on va monter comme ça, avec une poignée de bénévoles, le parti. On va constituer des organisations dans plusieurs comtés anglophones de l'île. Et on va éventuellement se lancer en campagne électorale, mais avec les moyens du bord, sans professionnels dans l'organisation ou autre. C'est vraiment une organisation populaire, si on peut dire. Populaire, j'allais dire communautaire. Il y a quelque chose de très communautaire. Tout à fait, aussi. Parce que vous le signaliez rapidement, mais l'élite, la grande élite bourgeoise ou autre, commerçante de Montréal, l'élite anglophone... va rester avec le Parti libéral du Québec. Oui, absolument. Absolument. Donc, c'est pas eux qui vont militer et financer ce parti-là comme tel. Voilà. Les idées, parce qu'il y aura une campagne électorale, bon, ça tourne beaucoup autour de l'opposition à cette loi 178 et de l'utilisation de la disposition de dérogation, mais il y a plus que ça, il y a d'autres idées. Autour de la langue, toujours, à peu près, au début en tout cas, là, mais c'est quoi le programme du Parti Égalité? De quoi il parle? Essentiellement, le programme tourne autour de la question linguistique. On veut, par exemple, faire abolir la loi 101. Elle est honnie, cette loi-là. On ne l'aime pas du tout, évidemment, on s'en doute, même si elle est un peu déjà trouée par la Cour suprême du Canada. On ne l'aime pas, on veut donc l'abolir. On veut carrément reconnaître l'anglais comme étant... au même pied, sur un pied d'égalité avec le français. Donc, il y a deux langues officielles donc, au Québec. Donc, exactement la politique linguistique du Canada, la même chose. Le bilinguisme, que ça soit reconnu. Et on trouve qu'il est important d'être canadien, de protéger justement les valeurs canadiennes au sein même de la société québécoise. Donc, c'est vraiment, vraiment orienté sur la question linguistique. Et on verra plus tard que le programme est beaucoup là-dessus. Et par la suite, on verra que ça va causer des problèmes quand on aura à se prononcer sur d'autres questions qui débordent la question linguistique. Il y a quand même, puis ce sera évidemment la crise constitutionnelle sur laquelle les députés et les membres du Parti Égalité vont se casser les dents, mais ils en parlent quand même un petit peu dans leur programme. On souhaite que le Québec signe en fait la fameuse constitution de 82. Ah ben oui, forcément, le Québec doit être dans la constitution de 82, même si l'Assemblée nationale s'est prononcée unilatéralement contre ça, parce que ça affaiblit notamment les pouvoirs linguistiques de l'Assemblée nationale. Cette constitution de 82-là est assez claire dans ses dispositions là, qui touchent cette question-là. Mais donc, s'il ils veulent avoir le bilinguisme et tout, ouais. Forcément, ils veulent un rapatriement. Ils veulent que la Constitution de 82 soit signée par le gouvernement du Québec, c'est sûr. Ça se passe comment, cette fameuse campagne? Au terme de cette campagne de 89, ils vont donc faire élire 4 députés, le Parti Égalité. Comment se déroule leur campagne? Bien, leur campagne est assez facile dans ces 4 circonscriptions-là, entre autres. Il faut dire, au départ, ils ont très, très peu de moyens. C'est organisé, comme on le disait, de façon très... par des bénévoles. On n'a pas de professionnels dans l'organisation. Comparé au Parti libéral du Québec ou au Parti québécois, on n'est pas du tout au même niveau. Hein. On improvise, on est un peu artisanal dans tout ça. Mais il est clair que dans ces circonscriptions-là, c'est assez facile parce que les citoyens qui habitent les circonscriptions, donc ce sont des circonscriptions à majorité anglo-québécoise, ben les gens urbaine. Sont... urbaines. Et urbaines, voilà, effectivement. Donc c'est un travail de terrain, là, c'est un travail de terrain. Ils rencontrent l'accueil très chaleureux de nombreux électeurs qui disent « oui, on en a assez, voilà ». Et pas besoin de faire de campagne nationale. Il y a un marché captif et on rencontre les gens. Voilà, absolument. Du côté des libéraux, bon, on est un peu plus nerveux parce que, bon, évidemment, on a des spécialistes des sondages qui disent que l'insatisfaction est assez grande par rapport à cette décision-là, sur, à cette loi 178-là. Donc, on est un peu nerveux, mais en même temps, est-ce qu'on est en mesure de deviner ou de voir combien de sièges, même de députés? Certains sont très sceptiques sur la possibilité que soient élus des gens du Parti Égalité. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'est menée la campagne, mais c'est assez facile pour le Parti Égalité, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Il faut dire que, bon, les 4 députés qui seront élus à Québec du Parti Égalité sont donc élus dans la région de Montréal. Il faut absolument, dire qu'il y a, ouais. En marge de ça, parallèlement, il y a un autre parti qui se crée, oui. Et qui va, lui, présenter des candidats dans le reste du Québec. 19 parti... candidats à Montréal, hein, pour le Parti, oui, Égalité. Absolument, oui. Et 16 à l'extérieur de Montréal par un autre parti. Le Parti Unité, oui. Mais le Parti Unité, c'est à la marge parce qu'il n'y aura pas aucun député qui vont être élu comme tel. Ils recueillent des pourcentages assez faibles. Donc, ce n'est pas comme le Parti Égalité qui a concentré plus ses efforts dans les circonscriptions où on savait qu'on avait des chances de l'emporter. Là. Ouais. À tout le moins, un fort potentiel d'appui. Cela dit, le 25 septembre, les chiffres sont assez... quand on regarde le détail, 4 députés, c'est rien à l'échelle du Québec, mais dans leur comté, dans les comtés où on réussit à faire élire des députés, le vote pour le Parti Égalité est vraiment impressionnant. Oui, bien c'est... comme vous le mentionnez, 3,7% du vote, de l'ensemble du vote québécois. Mais dans les circonscriptions où ils se sont présentés, ils vont chercher plus de 55% c'est fou quand même. Tout de même de l'appui populaire. Donc oui, c'est un appui important. On peut les énumérer très rapidement. Il s'agit de Notre-Dame-de-Grâce, de Westmount, Darcy, McGee et Jacques Cartier. Donc ce sont ces circonscriptions-là qui vont basculer dans le camp du Parti Égalité. Ouais. Voilà. Évidemment, tout ce beau monde, mais enfin, ces 4 députés vont se retrouver à l'Assemblée nationale. C'est déjà en soi pas banal. Dans un contexte qui n'est pas banal non plus, parce que c'est le contexte de la crise constitutionnelle autour de l'échec de l'accord du Lac-Meech. Ce sera plus tard le tour de l'accord de Charlottetown d'être rejeté par les Canadiens. L'accord de Meech, c'est un premier point de discorde au Parti Égalité. Il meurt, cet accord-là, du Lac-Meech en juin 90. On écoute le chef du parti, Robert Liebman, réagir justement à la mort de Meech à l'Assemblée nationale le 22 juin 1990. Presque tout, même les adversaires les plus farouches, sont d'accord sur les principes des 5 demandes de Québec. Les 5 conditions de Québec ne doivent pas être compromises. Mais nous devons trouver la façon d'incorporer ces conditions. La rhétorique pleine d'émotions évoquant le rejet du Québec par les Canadiens est simplement et formellement absurde. Même si nous utilisons toute la question de Meech pour mesurer l'acceptation du Québec par le reste du Canada, n'importe qui peut calculer que 1 ou 2 sur 10 ne fait pas la majorité. Bon, Robert Liebman, à ce moment crucial dans l'histoire politique du Québec où l'accord du Lac-Meech meurt officiellement, donc discours de Liebman le 22 juin 1990 à l'Assemblée nationale, ce dossier-là, le dossier constitutionnel Jean-Charles Paneton, ça va être le début de la fin de ce parti. C'est un peu cynique quand on y pense, mais sur Meech, sur l'accord de Charlottetown par la suite, on ne s'entend pas à l'intérieur même du parti. Non, on ne s'entend pas du tout. C'est intéressant d'entendre Robert Liebman sur la question de Meech parce que dans les faits, il n'était pas du tout en accord avec Meech. Beach. Pour le Parti Égalité, là-dessus, ils font l'unanimité. Ils ne sont pas du tout d'accord avec le concept de société distincte tel qu'on le retrouvait. Et donc, ça, ils le rejettent formellement. Donc, c'est facile, après coup, de dire voilà. Les cinq conditions ne sont pas négociables. Oui, voilà. Peut-être que les cinq conditions, ça va, mais le concept de société distincte, lui, ne passait pas au Parti Égalité, ni pour Robert Lehman, de toute façon. C'est une période qui est très difficile. Il le dira d'ailleurs, Robert Lehman lui-même, parce que c'est un échec qui est très, très important. Il sentait toute la déception, non seulement de Robert Bourassa, mais aussi des Québécois. Quoi. Il se retrouvait dans une drôle de position. Il dira que c'était un peu le passage à vide. Et puis, c'est aussi la période où Bourassa va dire sa fameuse phrase « Aujourd'hui et pour toujours, le Québec est libre d'assumer son destin ». C'est là qu'il donne la main à Jacques Parizeau, tout ça. Donc, alliance des indépendantistes qui sont les grands ennemis du Parti Égalité, de Robert Lehman et compagnie. Donc, c'est une période qui est vraiment très, très difficile pour lui. Charlottetown, vous l'avez mentionné, ne sera pas plus facile parce que là, Robert Lehman est d'accord avec Charlottetown, mais c'est le reste de son parti qu'il ne suit pas. Ouais. Donc, il y a des déchirements, des choses importantes, des déchirures importantes, et c'est difficile de vivre ça, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider de quitter le Parti Égalité. Parce que ça sera l'échec de Charlottetown aussi, et donc on est dans un cul-de-sac, finalement, constitutionnel. Disait vouloir voter dans les faits pour Charlottetown parce que ça coupait en fait l'herbe sous le pied des souverainistes. Si on avait adopté Charlottetown, on réglait la question constitutionnelle, du moins c'est ce qu'on disait à l'époque. On réglait cette question-là une fois pour toutes et donc le mouvement souverainiste n'aurait pratiquement plus eu sa raison d'exister. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il l'appuyait. Mais oui, beaucoup de turbulences. Richard Holden, qui est l'un des députés, lui a même appuyé Meach au départ, et puis ensuite, ce monsieur Holden-là va avoir tout un cheminement idéologique, il va se ramasser au Parti québécois à un moment donné, ce qui est quand même une marche assez haute idéologiquement quand on passe du Parti Égalité au Parti québécois, qui étaient les ennemis tant honnis. Là. En fait, à peu près, il y a quatre députés qui sont élus à l'élection de 89. Ils vont tous terminer ce mandat-là à l'extérieur. Il y en a un, je pense, qui va rester Parti Égalité seulement, sur quatre. Il y en a un qui reste, mais tous les autres vont démissionner à tour de rôle. Ils vont siéger comme indépendants. Robert Lehman, en 94, aux élections, va vouloir se présenter, mais il ne sera pas réélu comme tel. Il se présente comme indépendant. Il va tenter un temps de joindre le Parti libéral du Québec, mais le chef libéral de l'époque, Daniel Johnson, va refuser de signer ses papiers de nomination à titre de candidat libéral. Et que devient, de fait, ce parti-là après cette élection de 1994 et la défaite de tout ce beau monde? Bien, le parti ne fera jamais réélire. On va changer de chef. Éventuellement, on aura Keith Anderson qui sera chef de ce parti en 1993, mais lors des élections générales de 1994-98, aucun candidat qui va être élu. On réussit en 2003, de peine et de misère, à présenter une vingtaine de candidats. Encore une fois, aucun de ces candidats-là va être élu. Et puis, c'est la fin légale, donc, du Parti Égalité, là, en 2012. Voilà. Jean-Charles Paneton, historien, politologue, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire politique du Québec au 20e siècle. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.